عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحمد الله أرحم الراحمين الذي أمدت الأعمار فيسر لنا قياما وصياما، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله المزيد وقد وعد بالازدياد بعد الشكر، فقال: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعصي الله سبحانه وتعالى من قصص نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو الله تبارك وتعالى celui qui nous a gardé en vie jusqu'à atteindre le mois de Ramadan et qui nous a permis de jeûner ces quelques jours du mois de Ramadan. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. Car le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a vécu le plus longtemps et qui a eu les meilleures actions. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal te garde en vie pour te permettre de jeûner un jour puis un autre, ou de prier une nuit puis la suivante, ça c'est un grand bienfait et nous devons tous nous montrer reconnaissants. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne même dans son livre que celui qui se montre reconnaissant, Allah lui augmentera de ses bienfaits. Fa nahmadullah da'iman wa abada. بالأمس بدأنا بمقدمة ودخلنا في قصة آدم عليه السلام. Hier nous avons entamé l'étude de l'histoire de Adam, la biographie de Adam عليه السلام, le père de l'humanité. Avant cela, on a pris une introduction. On a donc vu que Adam عليه السلام a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant cela, Allah tabaraka wa ta'ala a informé les anges de cette créature. Ils n'ont pas compris la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala allait créer Adam, vu que eux l'adoraient sans cesse et sans jamais lui désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala a donc créé Adam alayhi salam de terre. Et il l'a créé de ses mains et lui a enseigné le nom de toute chose après lui avoir insufflé l'âme. Il l'a donc élevé et préféré par ses quatre caractéristiques. Le fait qu'il l'ait créé de ses mains alors que le reste a été créé avec la parole « kun » soit le fait qu'il lui a insufflé une âme et qu'on l'a annexé à Allah Azza wa Jal, idafat al-takrim wa al-tashrif, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à Adam le nom de toute chose, et quatrièmement, asjada lahu malaikata, qu'il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Ils se sont tous prosternés excepté Iblis, et nous sommes arrêtés à ce passage. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Excepté Iblis, qui s'est enorgueilli, a refusé et fut donc du nombre des mécréants. كفر الإباء والاستكبار. نعم. Il a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans cela suratu sijabatil malaika li amri rabbihim subhanahu. On a vu également que les anges se sont soumis immédiatement et très rapidement à l'ordre de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on a aussi cité que Iblis ne faisait pas partie des anges. C'est un djinn, si ce n'est qu'Allah azza wa jalla l'avait élevé au niveau des anges, car il était très pieux et faisait de nombreuses adorations. Lorsque Iblis, la'anahullah, a déclaré la guerre à Adam et sa descendance, a été jaloux de Adam, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la parole que Iblis a dit, ainsi que ses invocations. Parmi ceux-là, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ لَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فَوْقِهِمْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ. Ici, Iblis a fait la promesse d'égarer toute la descendance de Adam. A fait la promesse d'égarer toute la descendance de Adam en venant de par notre droite, notre gauche, devant nous, derrière nous. Et on remarque ici qu'il n'a pas dit au-dessus d'eux. Pourquoi cela? Certains savants ont dit car la miséricorde d'Allah Azza wa Jal vient d'en haut. Donc Iblis ne pourra pas se mettre ou venir au fils d'Adam par cet endroit. Il a donc demandé Anzirli ila yawmi ba'athi ila yawmi ad-din tayyib ay ahmilni. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder un répit, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal a décrété que Iblis allait donc rester, et c'est une guerre qui ne s'arrête pas entre le fils d'Adam, la descendance de Adam alayhi salam, et ash-shaytan. Al-Shaytan vient au fils d'Adam et essaye de le faire tomber dans le polythéisme. S'il n'arrive pas, il le fait tomber dans les grands péchés. S'il n'arrive pas, il le fait tomber dans les petits péchés. S'il n'arrive pas, il lui fait perdre son temps et l'occupe. Wahakada, Al-Shaytan ne s'arrête jamais d'essayer de t'égarer. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et dit que Shaytan a dit à Allah, wa izzati la abrahu arwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala rabbul izzati wal jabarut wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum ma staghfaru. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Shaytan a dit à Allah subhanahu, par ta puissance, je ne cesserai d'essayer de les égarer tant que leurs âmes seront à l'intérieur de leur corps. Allah tabaraka wa ta'ala a répondu, par ma puissance et ma magnificence, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Donc, une des plus grandes forces que tu as contre Shaytan, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, al-isti'aza min al-shaytan, le fait de chercher protection auprès d'Allah contre Shaytan. Également, التحصن بالأذكار الصباح والمساء وهكذا قراءة القرآن. Le fait de réciter les invocations du matin, après le fajr et du soir, après l'asr, certains savants disent après le maghrib. Tout cela est une protection. Également avant de dormir, au moment de te coucher. وهكذا عند الأكل والشرب وقبل إتيان الأهل. Donc il nous a été légiféré une multitude d'invocations, tout cela pour nous préserver de cet ennemi déclaré. Et parmi les plus grandes causes pour être préservé de lui, التمسك بكتاب رب العالمين القرآن الكريم, le fait de s'accrocher au livre d'Allah Azza wa Jal, particulièrement lire Surat al-Baqarah, Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, également Ayat al-Kursi, le verset du trône, comme il dit, المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس également الرقية الشرعية. Tout cela fait partie des causes pour être préservé du shaytan. Et comme a dit l'Allama Ibn al-Qayyim, plus tu comprends ce que tu dis, plus ces invocations te seront profitables. Combien sont ceux qui disent, par exemple, avant de dormir je récite Ayatul Kursi, mais il m'arrive quand même telle chose et telle chose. Ces gens-là, en général, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils récitent. Ou bien il y a des mawani, des choses qui empêchent les faits, comme le manque de concentration, ou les péchés, ou le fait de ne pas être dirigé entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela diminue l'effet de cette protection. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et on a cité le hadith dans Sahih Muslim, lorsque le serviteur lit un passage où il y a une sajda, une prosternation qu'il se prosterne, مَاذَا يَعْتَزِلُ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ وَيْلَهُ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلْيَنَّهُ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلْيَنَّهُ. Lorsque tu te prosternes après avoir lu une prosternation dans le Coran, un ordre de la prosternation dans le Coran, الشيطان s'éloigne et pleure et dit malheur à moi, le fils d'Adam. Il lui a été ordonné de se prosterner, il s'est prosterné, il a obtenu le paradis. Et on m'a ordonné à moi de me prosterner, j'ai refusé et j'irai en enfer. Donc parmi les formes pour humilier Shaytan, le fait de te prosterner après avoir lu As-Sajda. À ce moment de l'histoire de Adam, après qu'Iblis ait refusé de se prosterner, après qu'il fut éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, après qu'il fut humilié et rejeté, on nous parle ici de Hawa. Et c'est le premier endroit où apparaît l'épouse de Adam, qui a été créée de lui-même. Et certains savants disent que c'est de là que provient son appellation. On l'a appelée Hawa, c'est minal hay. Et il y a la connotation dans ce nom-là de la vie. Car l'anna khuliqat min hay. Car elle a été créée d'un être déjà vivant. D'autres, parmi les savants, disent on l'a appelée Hawa, car les gens après elle vont naître de sa descendance. Donc c'est elle qui sera la base de la vie des fils de Adam. Donc comme ça a été cité dans le hadith, elle a été créée de la côte de Adam, la partie la plus arrondie. Les savants divergent, est-ce que Hawa a été créé alors que Adam était déjà entré au paradis ou avant qu'il entre au paradis? Et cela, de par le verset où Allah Azza wa Jal nous dit « وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ » Ô Adam, habite-toi ainsi que ton épouse au paradis. Donc certains savants disent en apparence, il n'était pas au paradis. Tout ce qui s'est passé avant, c'était en dehors du paradis. Ensuite, après avoir créé Hawa, Allah Azza wa Jal leur a permis de vivre au paradis. C'est une parole de certains savants qui a appuyé par, ou bien ils ont utilisé ce verset comme preuve. Et certains disaient qu'elle a été créée fil Jannah. Il a été cité Kana Adam Yamshi Wahshan, yani fi wahsha, que Adam marchait et il était seul. Et comme on a cité Adam, il était tout seul. Il y avait les anges, il y avait Iblis, il y avait Adam alayhi. Mais il n'avait pas un être comme lui. Voyez. Donc il marchait et il était seul. Laysa lahu fiha zawj. Il n'avait pas avec lui d'épouse. Yaskunu ilayha. Afin de trouver le repos auprès d'elle. فَنَامَ نَوْمًا. Il a donc dormi un moment. فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَ رَأْسِهِ إِمْرَأَةٌ قَاعِدَةٌ. Lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé à sa tête, assise, une femme. خَلَقَهَ اللَّهُ مِنْ ذِلْعِهِ. Allah Azza wa Jalla l'a créé de sa côte. فَسَأَلَهَا مَنْ أَنْتِ. قَالَتْ أَنَا امْرَأَةٌ. Alors Adam lui a demandé, qui es-tu? Elle lui a répondu, je suis une femme. فَقَالَ Adam لِمَاذَا خُلِقْتِ. Pourquoi est-ce que tu as été créé? قَالَتْ لِتَسْكُنَ إِلَيْهِ. Pourquoi est-ce que tu as été créé? Elle a répondu, afin que tu trouves le repos auprès de moi. pour te tenir compagnie et afin que tu trouves le repos auprès de moi. فقالت الملائكة له ينظرون ما بلغ من علمه. Les anges l'ont dit afin de voir l'étendue de la connaissance de Adam. Donc ils lui ont posé une question. Ma smuha ya Adam? Quel est son nom au Adam? فقال حواء. Quel est son nom au Adam? Il a dit حواء. Donc, de cette histoire, on comprend que la femme, c'est le repos de l'homme. Et que l'homme a besoin d'une épouse pour se tranquilliser et vivre une bonne vie. Comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran, yani concernant le fait que Hawa fut créée de Adam, wa khalaqa minha zawjaha. Tayyib. Yani, Hawa min. Adam. Allah nous dit également wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayhi wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Et parmi ceci qu'il a créé pour vous de vous des épouses litaskuna ilayhi afin que vous viviez auprès d'elles. Il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Certains pourraient se poser une question et dire, beaucoup de ceux qui sont mariés ne trouvent pas ce qui a été cité ici. Ça, yani, la femme est désobéissante, ou elle lui ramène des problèmes, ou wahaka. On répond, Sadaq Allah. Allah a dit la vérité. Puis on dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris que la femme c'est un bien pour l'homme et qu'il y trouve son repos. Il nous montre aussi la condition pour avoir ce repos à la fin de Sourate Maryam. فقيد الله سبحانه وتعالى هذا الخير بآية أخرى فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, Allah leur accordera l'amour. Donc celui qui veut vivre une bonne vie avec son épouse, ça ne suffit pas de se marier. Il lui faut aussi être au pieux et s'entraider avec elle dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Avoir l'iman as-sahih ou l'amal as-salih. Celui qui réunit ces choses-là aura sans aucun doute la mawadda dans son couple, le bien dans son couple, et il trouvera la tranquillité dans son couple. Et si chacun s'acquitte de ses devoirs envers l'autre et ne réclame pas tous ses droits, et yani, ce sera un bon début pour espérer avoir ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité. Également dans la création de Hawa, il y a beaucoup de leçons. Le fait qu'elle ait été créée pas d'une chose extérieure à l'homme, mais de lui-même, il y a un grand signe d'Allah Azza wa Jalla dans cela pour montrer qu'il doit y avoir une bonne entente entre les deux. Comment cela? Yani le fait qu'on ait créé Hawa de Adam lui-même, cela est une cause pour nous montrer qu'ils vont mieux se comprendre. Taïeb, on ne l'a pas créé d'une matière extérieure à l'homme, on l'a créé de l'homme lui-même. Et il n'y a pas plus proche que cette femme sorte de l'homme lui-même. Et malgré ça, tu vois beaucoup de problèmes. Pourquoi? Car les gens se sont éloignés des enseignements et de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit ils se marient en ignorant ce qu'est le mariage. La femme se marie et elle veut faire ce qu'elle faisait avant son mariage. Ou elle ne veut pas obéir à son mari, ou bien, yani, ce genre de parole, ou bien l'homme se marie et il veut continuer à vivre une vie de célibataire, ou il veut ne pas avoir à dépenser pour cette femme, ni lui accorder le moindre temps. Wahakala, ça ramène des soucis. Il ne connaît pas ses droits ni ses devoirs, elle ne connaît pas ses droits ni ses devoirs, et ensuite ça ramène, yani, de nombreux problèmes. Dans cela, il y a également une grande sagesse. C'est l'ordre qui est ici fait à l'homme. Ceux qui ont un manque de raison lorsqu'ils voient le hadith, que la femme a été créée de la côte et la partie la plus arrondie, c'est la côte. Ils disent, mais c'est un manque de respect envers la femme et ce genre de paroles. Cela est la parole des ignorants. Au pire encore de ceux qui essayent de détourner les femmes musulmanes de la droiture de l'islam. Mais les savants qui ont étudié ce hadith nous montrent qu'ici en vrai il y a tout le bien pour la femme. Car on informe l'homme que la femme est différente de lui. Il devra donc se montrer patient avec elle et lui faire de bonnes recommandations. Il devra donc ne pas attendre d'elle la perfection car cela n'est pas possible. Tout comme lui ne pourra pas être parfait dans ses... dans l'acquittement de ses devoirs. Donc dans ce hadith, il y a beaucoup de science. Al-ta'amul bayna zawjayn bis-sama'. En résumé, le comportement entre les deux époux doit être basé sur l'indulgence. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Habite toi ainsi que ton épouse dans le paradis. Yani, quel est ce paradis duquel on parle dans ce verset? Jannatul Ma'wa, le paradis éternel. Ou al-janna lughatan bustan. Le paradis dans la langue arabe, al-janna, ça veut dire un jardin. Donc les savants ont divergé. Le paradis, ou bien le jardin, dans lequel est entré Adam. Certes, il y a trois paroles qui reviennent. Bustan fil sama. Al-qawlu thani bustan fil ard. Wal-qawlu thani, wa huwa qawlu al-jumhur. Maza al-janna. Donc les savants divergent en trois paroles. La première parole, c'est un jardin dans les cieux. La deuxième parole, un jardin sur la terre. Et la troisième parole, qui est la vie Mada, qui a été retenue par la plupart des savants, c'est le paradis connu. C'est le paradis éternel. Dans ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Adam et Hawa tous ceux qui s'y trouvaient. Excepté un seul arbre. Un seul arbre. Quel est cet arbre? Certains disent que c'était l'arbre, d'autres. Ibn Kafir et d'autres ont dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité cet arbre car il n'y avait pas d'intérêt pour nous. Et tout ce sur quoi nous nous sommes dit, c'est qu'on n'en avait pas besoin pour adorer Allah Azza wa Jalla. Donc il n'y a pas de nécessité à. Mada a cherché quel était cet arbre, de quelle sorte, quels en étaient ses fruits, et ainsi de suite. Ce qui importe, c'est de savoir que Adam alayhi salam avait le droit à tout dans ce paradis, excepté un arbre. Ash-shaytan waswasa Adam wa Hawa. Ash-shaytan a insufflé de mauvaises choses à Adam et Hawa. En essayant de leur faire désobéir à leur Seigneur. Car Allah avait dit, وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ne vous approchez pas de cet arbre. Ne vous approchez pas de cet arbre. Et ici, on n'a pas dit, ne consommez pas de cet arbre. Mais on a dit, ne vous approchez pas. Et ça, c'est une qaïda dans les péchés. On voit la même chose pour les zina, la fornication. La تَقْرَبُوا الزِّنَا, n'approchez pas. C'est-à-dire toutes les causes qui mènent à tomber dans le péché dans l'islam, on doit s'en éloigner. Par miséricorde pour le serviteur, Allah Azza wa Jalla ne t'a pas interdit juste les péchés. Mais il t'ordonne et il t'encourage à t'éloigner des causes pouvant mener au péché. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Donc ash-shaytan leur est venu. Et leur a enjolivé le fait de s'approcher de l'arbre et d'en consommer. Adam alayhi salam savait que cet arbre lui est interdit car Allah lui interdit. Comment se fait-il qu'il est donc, et donc, Mada a donc transgressé cet ordre? Parce que Shaytan n'a cessé de lui enjoliver cette chose. Adam a résisté. Hawa a résisté. Les savants ont cité que la cause qui a fait que Adam a consommé de cet acte, c'est ce qui a été cité dans Surat al-A'raf. Surat al-Baqarah a été cité dans de nombreux endroits du Coran, dans le Baqarah, dans l'A'raf, dans Taha et dans d'autres. Taïeb, on a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam régulièrement ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin. Et le musulman à la fin, réuni l'islam en prenant tout le Coran. Donc, dans Sourate Taha, Mada, Fawaswasa ilayhi shaytan. Je vous ai dit à l'Araf, pour ce que je vous ai dit, c'est dans Sourate Taha, verset 120. Fawaswasa ilayhi shaytan, qala ya Adam, hal adullukum, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Al-shaytan a dit à Adam, ô Adam, ne vais-je pas t'annoncer l'arbre de l'éternité et de la royauté qui ne s'arrêtera jamais? Adam est dans le paradis, tout lui est permis. Son seul souhait, c'est quoi? D'y rester éternellement. Alors, Shaytan est rentré par cette porte. Si tu manges de cet arbre, tu ne sortiras jamais du paradis. Et tu seras ici éternellement. Amada est dans Sourate Al-A'raf. فَقَاصَمَ لَهُمْ. Il a juré. Adam, yani, n'a pas pensé une seconde qu'une créature pouvait jurer par Allah en mentant. Donc lorsque Shaytan a juré, c'est là que Adam l'a suivi. Que s'est-il passé? Les savants ont dit que Hawa est la première à avoir Mada pris de l'arbre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laula Hawa lam takun imra'atun zawjaha. C'était à Hawa, aucune femme n'aurait induit son mari en erreur. Certains savants disent qu'il fait référence ici à l'histoire de Adam et Hawa avec l'arbre, car elle fut yani, la première à prendre de cet arbre. Allah nous dit ensuite dans Surah Taha: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة. Immédiatement après avoir consommé de l'arbre, leur nudité est apparue. Auparavant, leur aura, leur nudité était cachée. Immédiatement après avoir mangé de l'arbre, qu'est-ce que s'est-il passé? Chacun a pu voir la nudité de l'autre. Ils ont eu honte et se sont sauvés, ont couru au paradis pour prendre des feuilles et se émada cacher leur nudité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela dans le Coran: فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جُتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ وَهَلْ. Immédiatement après, regardez le comportement du Coran. Après avoir eu ce manquement, Adam alayhi salam immédiatement s'est repenti à Allah azza sans tarder. Et c'est le comportement que doit avoir le croyant. On n'attend pas du fils d'Adam qu'il soit infaillible. Il n'y a que les messagers qui sont ma'asoum. Mais le croyant doit être patient devant la désobéissance. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il doit immédiatement se rappeler de son Seigneur. Se rappeler de ses bienfaits, de son manque de reconnaissance, également se rappeler de sa colère s'il lui désobéit et persiste dans sa désobéissance. Donc le serviteur revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici une grande leçon qu'on tire, et une des plus grandes fawa'id, une des plus grandes leçons qu'on tire de l'histoire de Adam et de Hawa, c'est la connaissance de notre ennemi, Ash-Shaytan. Le fait qu'il ne vienne pas directement pour nous appeler au haram, il ne vient pas te dire désobéir à Allah de cette façon. Non, il t'enjolive les choses. Et le poète a dit: إِذَا رَأَيْتَ أَنْيَابَ اللَّيْفِ اللَّيْفِ بَارِزَةً إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن ليث يبتسم. Si tu vois le lion, si tu vois les crocs du lion, ne pense pas qu'il est en train de te sourire. Ça, si tu vois un lion devant toi et que tu vois ses crocs, tu penses qu'il te sourit là. Et Shaytan, c'est la même chose. Lorsqu'il te dit de belles paroles, fais telle chose, tu vas avoir ça, il veut te tromper. Il veut ton mal. Et Allah Azza wa Jal t'a informé de son inimité à ton égard. فَدَلَّهُمَا بِرُوْهُ. هَذَا تَأْبُ Iblis. Il trompe le serviteur. Il trompe le fils d'Adam. Comment est-ce que Shaytan a pu insuffler à Adam de mauvaises choses, alors qu'on a cité auparavant qu'il a été viré du paradis? Et Adam est entré au paradis. Allahu A'lam. Il fut cité dans l'Israïliya qu'il s'est aidé de Al-Hayya, du serpent. Et on a cité la position des musulmans devant l'Israïliyat, ce qui nous est rapporté des anciens livres, des gens du livre. Ça se divise en trois. Qu'est-ce qui nous rappelle les trois parties? Qu'est-ce qui a cité au courrier? La première partie, celle. Ce qui a été confirmé dans le Coran. Namo Khifuna, nous sommes des roues. Premièrement, ce dont nous avons une confirmation de par le Coran. Quelle est notre position? Donc, on confirme cela et on prend le Coran. Deuxièmement, ce qui a été réfuté de par le Coran. Une information nous vient de par les livres anciens. Et l'information est démentie dans le Coran. Comme quoi, par exemple? Que Isa ibn Allah, par exemple, que Isa est le fils d'Allah. On a dans le Coran quoi, nous? Mattakhad Allah min walad. Lam yalid wa lam yulad. D'accord? Donc, on rejette l'information qui a été démentie dans le Coran. Le troisième point, et c'est où je veux, c'est les Ash-Shahid, na'am. Ce qui a été ni confirmé, ni rejeté. Quelle est notre position? Ni on l'affirme, ni on le rejette. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hadithu an bani Israël wa la haraj ». Il n'y a pas de mal à citer l'histoire de bani Israël ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fut dit que Ash-Shaytan a utiliser un serpent pour entrer au paradis. Tout cela avec la science d'Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala a laissé faire cela par sagesse et a décrété cela. Et certains savants disent que cette parole est possible et nous rappelle un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ma salimna hunna mundu an harrabna harabnahunna. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que nous sommes en guerre avec les serpents. Certains savants donc disent que ça rejoint yani la qissa qui a eu lieu au paradis. Immédiatement après cela, leur nudité est apparue. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ce grand imam nous dit une fa'ida azima jiddan. Wallahi, yani, ba'du ahli al-ilm ya'tunaka bi fawa'id, law tufta sanawat kathiratun jiddan, lam tajidha rubbah. Les grands savants ou les savants, les gens de science se t'amènent sur un plateau de la science, peut-être que si tu avais passé ta vie à la chercher, tu ne l'aurais pas trouvé. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wa rafa'allahu darajati fil jannah, nous dit Amada zuhuru al-awra huna hasala ba'da ghadabillah. Fanastafidu min hadha anna al-mutabarrijat min al-nisa ما تبرجنا إلا بعد غضب الله عليه سبحان Ibn Baz nous dit leur nudité est apparue à quel moment? Après la désobéissance, donc après la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cela on tire que les femmes qui se dénudent dehors et ne s'habillent pas comme Allah azza wa jalla a ordonné avec le hijab al-jilbab al-shar'i, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est en colère contre elle. Et ça n'est que l'effet de la colère d'Allah Azza wa Jalla. Car après la colère d'Allah Azza wa Jalla, la nudité fut dévoilée. De la même façon, celles qui désobéissent à Allah Azza wa Jalla, on ne leur facilite pas le hijab. On ne leur facilite pas le hijab. Mais bien plus, mais au contraire, elles se dévêtissent. Car Allah Azza wa Jalla est en colère contre elles. Elles doivent donc se repentir, revenir vers Allah, pour qu'ils guident leur cœur à la vie de la piété. فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَ. Allah Azza wa Jalla les a appelés. مَاذَا نَسْتَفِدُ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ. وينادي ومن صفات الكلام سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام من؟ كلام الله طيب de cela on tire que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla la parole qu'Allah Azza wa Jalla parle à qui il le veut comme il le veut dans la langue qu'il souhaite tabaraka wa ta'ala il s'est donc adressé à Adam et Hawa en leur disant ne vous avais-je pas interdit de vous approcher de madame de cet arbre ils se sont repentis Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir de cela on tire que celui qui s'est éloigné d'Allah Azza wa Jal ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Bien au contraire, il ne doit cesser d'espérer son pardon. Il doit toujours avoir cette grande adoration à Abouadia. Il se repent et espère qu'Allah accepte son repentir. Il fait une bonne action et espère qu'Allah l'accepte. Par contre, celui qui désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Allah nous dit dans le Coran que ne désespère de sa miséricorde que les gens qui sont égards. Que les gens qui sont égards. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jal? Ou l'illadina kafaru. Ici, on parle aux non-musulmans, aux kuffars, ceux qui ont adoré autre qu'Allah. Et malgré cela, écoute cette parole. Ou l'illadina kafaru. Iyantahu yughfar lahum ma qad. Subhanallah. Regarde la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, c'est-à-dire la mécréance, et reviennent au tawhid, ils se verront pardonner tout ce qu'ils ont fait. Wa anta muslim. Mais toi, je suis musulman. Je suis plus en droit d'espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. N'as-tu pas lu la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qul ya ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis un malheur des péchés ou des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. قال العلماء أي بالتوبة avec le repentir. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et celui qui meurt sans s'être repenti est sous la volonté d'Allah, tant qu'il n'a pas de shirk. Si Allah veut lui pardonner directement, il le fait rentrer au paradis. Et dans le cas contraire, il le châtie pour son péché puis le met au paradis. Et cela, comme nous dit Allah dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Chef. On voit ici que c'est le pire péché, le seul qu'Allah ne pardonne pas. Et en dessous de cela, il pardonne à qui? Donc si tu rencontres Allah yawm al-qiyam et que tu t'es éloigné de toutes les formes de chef après l'avoir étudié, Allah Azza wa Jal te pardonnera tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qu'Allah nous dit, donc dans un hadith qudus, Yabna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, avec l'étendue de la terre, remplie de péchés, sans m'avoir donné d'associé, je viendrai à toi avec autant de pardon. Hadi rahmatullah. Hadi rahmatullah. Voici la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez Sourate al-Buruj. Dans Sourate al-Buruj, il y a une annonce de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut même pas imaginer. Vous connaissez l'histoire de Al-Ukhdud, Ashab al-Ukhdud, les gens du fossé. Le jeune homme à qui on apprenait la sorcellerie. Yani, il y avait un roi dans les temps anciens qui avait un sorcier. Lorsque celui-ci a atteint un âge avancé et allait bientôt mourir, il lui a dit « Amène-moi quelqu'un de jeune pour que je lui transmette ma science. » La sorcellerie, c'est une science, c'est du kufr. بالله العظيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر السحر كفر بالله العظيم تعلم السحر كفر بالله العظيم والذهاب الى السحره وتصديقهم كفر بالله العظيم apprendre la sorcellerie en soi c'est de la mécréance Faire de la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et aller voir un sorcier, tu crois en ses dires, c'est de la mécréance. Lisez dans Sourate Al-Baqarah l'histoire avec le prophète Sulayman alayhi salam, lorsqu'Allah l'a innocenté de la sorcellerie. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui va voir un devin ou un voyant, qui croit en ses dires, a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sorcier a enseigné à cet enfant. Cet enfant, en chemin, croisait quelqu'un qui était resté sur l'islam. Et cet homme lui parlait d'Allah et de l'unicité d'Allah. Et que tous ceux qui étaient adorateurs d'Allah ne méritaient pas l'adoration. Ça a plu à l'enfant. Car c'est la fitra. Ça a plu à l'enfant. L'enfant a donc cru en Allah d'un culte sincère. Mais il avait encore des doutes. Un jour, en chemin, il y a eu une bête qui empêchait les gens de passer. Une grande bête. On n'a pas réussi à la déplacer. Il a donc pris une chose, comme une pierre par exemple, et a dit, aujourd'hui je vais savoir qui est sur la vérité. Le sorcier ou bien celui qui adore Allah dans le culte sincère. Et a dit, si celui qui est sur la vérité, c'est le Seigneur de l'unicité, que cette bête, yani, soit déplacée du chemin ou comme il l'a dit. Puis, à la suite de cela, la bête s'est éloignée. Et les gens passent. Lorsqu'ils ont vu ce miracle, ils ont cru en Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère. Le roi, lorsque cette information lui est parvenue, s'est mis en colère. Car c'était un tarot qui obligeait les gens à l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jalla et ne permettait pas qu'Allah soit unifié dans le culte sincère. Il a donc ramené cet enfant et lui a dit d'où est-ce qu'il tire cette science. Il a essayé de le tuer, mais il n'a pas réussi. Il lui a dit de renier l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, comme c'est le cas dans certains endroits. On prend les musulmans, on les torture pour qu'ils délaissent la ilaha illallah. Comme cela fut le cas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme fut tué martyr Soumaïa wa Ammar radiallahu anhum et d'autres parmi les compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu dire que notre Seigneur, c'est Allah le seul qui mérite d'être adoré. Pourquoi est-ce qu'on torture les musulmans? Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Cela fut le cas pour ce jeune homme. Le roi a ordonné à ses gardes de partir avec cet enfant, d'aller loin sur la mer et de le juger. L'enfant a dit Ya Allah, ikfini bima shi'ti. Ya Allah, préserve-moi d'eux par ce que tu voudras. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé, l'enfant est revenu. Lorsque le roi l'a vu, il s'est étonné. Qui est-ce qui t'a sauvé? Il a dit mon Seigneur. Ensuite, il a ordonné à ses gardes de le prendre et de monter au sommet le plus haut et de le jeter. Soit il délaisse al-tawhid, soit vous le jetez du haut de la montagne. Arrivant au haut de la montagne, il a fait dua à invoquer Allah Azza wa Jalla seul sans l'associer. Allah l'a sauvé. Encore une fois. Il est revenu. Le roi s'est étonné. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Qala Rabbi, mon Seigneur. La seule divinité qui mérite l'adoration, Allah subhanahu. Ensuite, il a dit au roi, sache que tu ne pourras jamais me tuer sauf si tu fais ce que je vais te dire. Il lui a dit quelle chose? Il lui a dit, tu réunis tout le monde. Pourquoi réunir tout le monde? Pour iqamat al-hajj, pour appeler le plus de monde possible au tawhid. Comme a dit Moussa alayhi salam à Fir'aoun. Yani le combat avec Sahara, il a demandé que cela soit fait à quel moment? Il lui a dit réunis tout le monde au matin, pour qu'il y ait tout le monde, pour que tout le monde voie le signe d'Allah Azza wa Jalla et revienne au tawhid. Il lui a dit tu réunis tout le monde, tu prends cette flèche de mon carquois, tu dis Bismi Rabbil Ghulam, tu me vises de cette flèche en disant par le Seigneur du jeune homme. Si tu fais cela, tu réussiras à me tuer. Alors le roi s'est exécuté. L'enfant a voulu cela pour guider les gens de tawhid. Un enfant qui se sacrifie pour da'wah de tawhid. Et aujourd'hui, tu trouves des ignorants qui disent tawhid, c'est bon la compagnie. Ou bien des gens qui veulent s'approprier la da'wah et n'étudient pas de tawhid ni n'appellent le tawhid. Aïe, da'wah qui n'a pas. Une da'wah qui ne repose pas sur la tawhid, c'est une da'wah fâche. Ça n'est pas la da'wah des prophètes et des messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous étudions l'histoire des prophètes Et Allah nous enseigne que dans chaque communauté, un messager leur est venu pour dire quoi? Adorez que Allah. Éloignez-vous de tout ce qui adore en dehors de lui. Pour là, il a dit. Le roi a donc visé l'enfant par cette flèche et il l'a tué. Le roi s'est réjoui de cela. Mais il s'est passé ce qu'il n'avait pas prévu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Lillahi al-hikmatul bal. Que s'est-il passé? Lorsque les gens ont vu cela, ils ont dit Amanna bi Rabbil Ghulam. Ils se sont tous convertis à l'islam. Et on dit, nous avons cru au Seigneur de l'enfant. Le roi les a torturés. Il leur a dit, sortez de l'islam. Ils ont refusé. Il a dit, creusez. Il a dit à ses gardes, creusez des fossés, des tranchées. Ils se sont exécutés. Il ne s'est pas arrêté. Attisez les tranchées. Allumez un feu ardent et immense. Ils se sont exécutés. Ensuite, il a dit, prenez tous les croyants, tous les gens du Tawhid, tous les gens de la ilaha illallah, et jetez-les dans le feu. Sauf s'ils reviennent sur cela et reviennent à la mécréance. Alors ils ont pris les gens et les ont jetés en groupe dans le feu. Et ils sont morts ainsi sur la ilaha illallah. Comme on a pu témoigner de certains de nos frères en Syrie. Rahimahumullah. Wa dafa'a Allahu anhu. Puis, il y a eu une femme avec son enfant. Elle a hésité à rentrer dans le feu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a mis un miracle pour raffermir cette femme, une karama. Il a fait parler son enfant. Un enfant allaité, un enfant au berceau, Allah azza wa jalla l'a fait parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Isbiri ya umma, fa innaki ala al-haq. Patiente, ô ma mère, car certes tu es sur la vérité. Al-tawhid, c'est le haq. Dhalika bi anna Allah wa al-haq. Wa anna ma yad'una min duni al-batil. Wa anna Allah huwa al-alim al-kabir. Alors la femme avec son nouveau-né est rentrée dans le feu. Elle est rentrée dans le feu de dunya et a choisi le feu de dunya pour éviter le feu de l'akhirah. Là, il a fait. Regardez cette femme. Et aujourd'hui, j'entends des femmes dire je n'aime pas le hijab parce qu'il fait trop chaud. Regardez cette femme, elle est rentrée dans le feu de dunya pour éviter le feu de l'au-delà. Et la femme ose dire je ne mets pas le hijab car j'ai trop chaud. Elle doit mettre le hijab pour éviter le feu de l'au-delà. ثم بعد ذلك ici dans cette sourate Al-Buruj en parlant de ce roi de ces gars qui ont assassiné des âmes innocentes et qui les ont brûlées car ils ont dit la ilaha illallah, Allah ne les châtie pas directement. Mais il dit, Mada, Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, thumma lam yatubu. Subhanahu, thumma lam yatubu. Falahum adha. Ay, walakin, in raja'atum ila Allah, wa tubtum ila Allah, taba Allahu alaykum. Allah Azza wa Jalla dit, il nous dit, ceux qui ont brûlé, éprouvé les croyants et les croyantes, puis qui ne se sont pas repentis. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Les savants ont dit, regardez ici la miséricorde d'Allah. Ils ont tué ses alliés. Ils ont brûlé ses bien-aimés. Et malgré cela, il les appelle à se repentir. Subhanallah. Subhanallah, qui pourrait après cela désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Fafi'l, la yakunutu min rahmati rabbi illa al-dallu, min rahmati Allah illa al-kafir, al-dallu, al-jahilu, min kamalillahi azza wa jal fi asma'ihi wa sifatihi wa rahmatihi, wa judihi wa karamihi. Ne désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que quelqu'un qui a été ignorant de la perfection de notre Seigneur, de l'étendue de sa miséricorde, de sa bonté et de sa générosité subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite Allah Azza wa Jalla accepta le repentir de Adam, mais il a décrété qu'il sorte du paradis. Il a décrété qu'il sorte du paradis. Descendez, c'est-à-dire sortez du paradis pour aller sur la terre. Et ennemis les uns des autres. Il fera pour vous sur terre, il vous donnera sur terre séjour et jouissance pour un. On tire de cela que la première demeure du fils d'Adam, notre maison à tout, c'est où? C'est le Jannah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Omar, « Kun fid dunya kannaka raib » ou « Adas » Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Pourquoi? L'étranger, le passant, lorsqu'il voyage, il va faire ce qu'il a à faire, il prend que ce qui lui est nécessaire et ensuite il se dépêche de rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également « Ad dunya sijnul mu'min » Ce bâton, c'est la prison du croyant. Parce que ici, tu as des ordres, des interdits, tu as des règles. Et lorsque tu remets ton pied au paradis, on t'enlève tout cela. Tu es comme celui qui était enchaîné et qui maintenant peut faire tout ce qu'il veut. Bien que l'adoration soit le délice du croyant en réalité, pour celui qui a compris. Donc, tu es sorti du paradis et tu vas retourner, inshallah, au paradis. Mais il te faut prendre tes provisions. Les provisions, c'est Tawhidullah, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Nabi, Ma'rifatul Islam, Al-Amal bi Ta'atullah, Ta'atul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, As-Salawatul Khams, Siyam Ramadan, Al-Hajj, Birul Walidayn, Huququl Al-Zawjay, Al-Awlad, Al-Jiran, wa hakadha. Tu dois prendre tes provisions. Fais ce que tu vas faire. Remplis ta mission, ta muhimma, et ensuite, bi'idhnillah, tu reviendras au paradis. Dans le cas contraire, Allah Azza wa Jal nous menace d'un feu ardent, wal'iyadu billah. Combien de temps est resté Adam au paradis? Il fut dit, il y a une parole d'Ibn Abbas, Allah alam bi sihhatiha, qu'il est resté entre l'asr et le maghrib. Qu'il est resté entre l'asr et le maghrib. Voyez. Et il faut regarder la chaîne et aller voir si ce texte est authentique. Allah Azza wa Jal a donc mis Adam et Hawa sur la terre, après lui avoir enseigné tout ce dont il avait besoin, lui donner ce dont il allait avoir besoin. Il est descendu avec une chose, Al-Hajar al-Aswad et d'autres choses. La pierre noire vient du paradis, comme cela a été cité dans le hadith. Puis après cela, Adam a eu des enfants de Hawa, pour que puisse se perpétuer là, dans la race humaine. Et de cela, on tient une grande réputation à ce qui est appris aux enfants, à ce mensonge, cette mécréance qui est appris aux enfants, que les humains descendent de qui? Wal'iyadu billah, la théorie de Darwin, d'alikum al-kafir, du singe. Ça y est, ceux qui disent ça, c'est leurs ancêtres qui descendent des singes, peut-être. Amma nous, أبونا آدم عليه السلام من أكرمه الله بأن خلقه بيديه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء هذا أبونا هذا جدنا الأول هذا سلفنا الأول nous notre ancêtre le premier c'est Adam عليه السلام cette noble créature ce prophète à qui Allah parle qu'il a créé de ses mains, à qui il a enseigné le nom de toutes choses, et devant qui il a fait prosterner ses anges. Subhanallah, pourquoi sortir de cette noblesse et aller prendre des ancêtres qui sont des singes? Les singes sont une espèce et l'humain est une autre espèce. Ils disent non, mais en fait il y a eu l'évolution, ce qu'ils appellent l'évolution. Si ça c'est l'évolution, vous roule, votre raison est allée dans le sens contraire de l'évolution. Ils disent en fait c'était un singe et ensuite c'est devenu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, comme on a appris à l'école. Comment certains étaient en train d'apprendre le Coran et qui était le Prophète sallam, qui était yani ahkam din, on était en train d'apprendre le Salopitek, wakada, wakada, wakada. Ils disent il y a eu une évolution. Donc il était à quatre pattes, ensuite il s'est levé, ensuite les poils sont tombés, ensuite. D'accord. Les savants disent tout simplement, cette évolution depuis le singe jusqu'à Adam, d'accord, ça fait combien de siècles? D'accord. La suite de l'évolution, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté, Adam? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas cinq bras, par exemple? Et pourquoi pas, yani, wakada? هذا الكلام باطل يرده القرآن يرده السنة والفطر طيب cette parole là elle est باطل il faut apprendre aux enfants العقيدة الصحيحة سبحان الله comment est-ce que tu trouves un enfant musulman qui rentre chez lui et il dit يعني on descend du singe لا علمه العقيدة enseigne-lui la bonne croyance ton ancêtre c'est Adam notre père. Et voici son histoire. Au lieu de lui raconter l'histoire de Madri, Esh, je connais même plus les livres qui les comptent pour enfants. Hein? Il y a plusieurs sur eux. Taïeb, ils lisent à leurs enfants avant de dormir l'histoire de. Yann, on a honte de dire qu'il est messie. Taïeb, certaines choses. Au lieu de lui raconter ces histoires, raconte-leur l'histoire de Adam. Après l'histoire de Idris, l'histoire de Noé. De manière, yani, facilité. Wallahi, ton enfant, il arrive à l'âge de, yani, 8 ans et il connaît toutes les histoires par cœur, mieux que nous. Ensuite, il apprend min al-Qur'an wa min al-Sunnah wa hakada. Tayyib, ni'am al-walad. Wallah, quel, yani, quel bonheur que de voir ton enfant, hein, te parler de Adam, te parler d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa, de Isa. Tayyib, il sort dehors avec ses amis et leur pose des questions. Hein, tu sais, yani, comment a été créé Adam, et ainsi de suite. Amma de leur raconter yani, l'histoire de telle chose qui ne servent à rien, ni dans sa dunya, ni dans son dîme. Taïb, hada la yanfa'a. Hada la yanfa'a. Barakallahu fi. Donc notre père c'est Adam. Et on ne descend pas du singe. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Adam d'avoir des enfants de Hawa. Et vous connaissez tous l'histoire des deux fils d'Adam. Taïb, dans les Israéliens, on trouve que leur nom c'est Abil et Qabil. Taïb, donc le premier était clé, le deuxième, Mada désobéit Allah Azza wa Jal, ils se sont rapprochés d'Allah par une action. Allah Azza wa Jal a accepté de celui qui était pieux, n'a pas accepté de celui qui n'était pas pieux. Le deuxième s'est montré jaloux envers son frère et l'a assassiné. Taïb, il l'a assassiné et ce fut le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas une personne qui commettra un meurtre. Sans que le premier fils de Adam ait aussi le péché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ramené la tradition du meurtre. Celui qui ramène un mal, tous ceux qui le suivent par la suite, aura les péchés de ses suiveurs. De la même façon, celui qui revivifie une sunna, tous ceux qui le suivront auront Mada, il aura les mêmes récompenses que ses suiveurs dans cela. C'est pour cela que celui qui a le plus de récompenses, le Malkiyama, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car toute personne qui fait une bonne action, il l'a apprise de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de cela, tu vois l'erreur de certaines personnes qui pensent faire le bien, mais par ignorance, tombent dans le mal. C'est des gens qui font des bonnes actions et disent, j'offre cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hada mayatouj. Ceci n'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les hasanat de tout le monde déjà, car c'est lui qui nous a enseigné. Tu n'as pas le droit de faire une sadaqa avec la niya, l'intention que cela parvienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, fais cela pour tes parents. Par exemple, taïb, tu as des parents décédés, tu peux faire une sadaqa en espérant que la récompense leur provienne. Taïb, tout particulièrement dans ce mois béni. Donc il a eu de Hawa plusieurs enfants. Parmi eux, donc, ces deux enfants qui sont connu. Et parmi les plus proches de sa descendance, il y a eu Idris. Parmi les plus proches de sa descendance, il y a eu Idris. Et beaucoup se trompent lorsqu'ils pensent que Idris est le premier prophète. Ou le premier messager. Celui-ci est une erreur. Le premier prophète, c'est Adam alayhi salam. Et le premier messager, c'est ce dont nous parlerons jeudi prochain, Inch'Allah ta'ala. Jeudi, vendredi, samedi prochain, Inch'Allah ta'ala. C'est qui? Naam. C'est Nuh alayhi salam, le premier messager aux gens de la terre. Rajoutez ça. Awwal rusul bu'itha ila ahli al-ard, c'est qui? C'est Nuh alayhi salam. Donc il a eu d'elle plusieurs enfants afin que Mada puisse se perpétuer la race humaine. Allah dit dans le Coran ya ayyuhan nas, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله dit: Ô vous, les gens, craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'une seule âme. C'est qui cette âme? Hein? C'est Adam. وجعل منها زوجها. C'est qui? Hawa. وبث منهما. C'est-à-dire de Adam et Hawa. Donc, et il y a beaucoup de gens, donc là. Descendance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit aussi un petit peu Adam. Quelle est la taille de Adam? C'est tout dira'. D'accord? Donc Adam est très grand. Et on nous informe que les gens du paradis, lorsqu'ils rentreront au paradis, auront l'image de qui? L'apparence de qui? De Adam. À la sourate Abihim Adam, Tulu, Sittuna dira'. Donc les gens avant étaient très grands. Et lorsqu'ils entreront au paradis, ils seront à l'image de Adam a.s. On tire de cela que Adam a la meilleure apparence. Qui est le plus beau, Youssouf a.s. ou Adam? Parce qu'on a le hadith qui nous dit que Allah a donné à Youssouf la moitié de la beauté. Donc qui est le plus beau entre Adam et Youssouf a.s.? Hein? Youssouf, tu dis? Donc on rentre chez le Jannah. Mais avec la moitié de la beauté donc, seulement. Alors, Kada Takhoul, c'est ce que tu penses? Taïeb. Mais quand on rentre au paradis, on a l'image de Adam. Et au Jannah, t'as la perfection. Certains savants, pour expliquer cela, ont dit, on a donné à Youssouf la moitié de la beauté, c'est-à-dire la moitié de la beauté de qui? De Adam, alayhi salam. Pour joindre entre les différents hadiths. Est-ce qu'on tire de cela une autre question? Pensez pas que vous allez partir comme ça. Est-ce que ça veut dire que Youssouf alayhi salam et Adam sont plus beaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a du mal à dire cela. Le frère dit bil ammi, on a une expression chez nous. Min aïe, ani. Min zaïr. Taïeb, j'aurais pas dû le dire. Sinon ça va faire des jaloux. Taïeb. Il a dit, on ne fait pas jaloux, il dit ça aussi en Égypte et dans d'autres. Là, alors, vas-y, dis l'expression. Après, je vais dire une expression du Mali. Il est beau, mais il y a autre que lui aussi qui a de cela. À la kulli hal, les gens vont entrer au paradis avec la plus belle apparence. L'apparence de Adam alayhi salam. Tayyib. Inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Tayyib. Allah azza wa jalla a créé Adam à son image, yani de la meilleure façon. Tayyib. Et le prophète alayhi salam a vu Adam alayhi salam lors de Al-Mi'raj. Tayyib. L'ascension, lorsqu'il est monté et a traversé les cieux. Il a vu Adam avec lui, derrière lui, il y avait Maza. Yani quand Adam regardait à sa droite, il se réjouissait. Et lorsqu'il regardait à sa gauche, il pleurait, ou bien était triste. Pourquoi cela? Vous connaissez l'histoire de Mi'raj, le prophète en salam a dépassé le premier et le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à quand il lui ordonnait la salat, et ainsi de suite. Pourquoi cela? Parce qu'à sa droite, c'est l'âme de toute personne qui aura réussi cette dunya, ceux qui vont entrer fil Jannah. Alors, Adam, c'est notre père à tous. Donc lorsqu'il regarde l'âme de ceux qui ont réussi parmi ses enfants, il se réjouit. Et lorsqu'il regarde à sa gauche l'âme de ceux qui n'ont pas concrétisé le tawhid, donc va entrer en enfer, il pleure, ou bien il triste. Donc ne fais pas partie de ceux qui seront désobéissants envers leur père. La désobéissance envers le père, c'est un des plus grands péchés. Ne fais pas pleurer ton père Adam alayhi salam. Sois une cause pour qu'il soit heureux, soit yani min ahl al-yamin. Une autre histoire avec Adam alayhi salam, yom al-qiyam. Lorsque les gens vont aller voir Adam alayhi salam pour demander quoi? Al-shafa'a, l'intercession. Qu'Allah azza wa jalla accordera que aux gens du tawhid, après avoir donné sa permission, que les gens qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala. Une autre chose, donc Adam va refuser et à la fin ce sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va se prosterner et demander à Allah azza wa jalla qui lui permette d'intercéder, chose qui lui sera accordée. Et il dira à Allah de faire commencer le jugement. Une autre histoire avec Adam yawm al-qiyam qui fait peur. Mais avant de cela, on parle de, avant de rentrer dans cela, car cela est plus loin, on va parler de la fin de Adam alayhi salam. Adam, bashar, makhlouq. Et les créatures ont un début et ont une fin en général. Les créatures se divisent. Il y a ceux qui ont un début, mais n'ont pas de fin. Non, il y a ceux qui ont un début et une fin, comme toute chose, pratiquement, comme nous. Il y a ceux qui ont un début, mais qui n'ont pas de fin. Qu'est-ce qu'un exemple ? Naam ? Al-Janna, barakallahu fik. Al-Janna. Taïeb. Il y a d'autres exemples. Taïeb. Si tu rentres dans le Jannah, tu auras droit à quoi que tu n'as pas droit pendant la journée de Ramadan ? La hawla wa ta'ala billah. Frère, il a dit la nourriture. Antam tazawit, t'es marié ? C'est pour ça que t'as pas trouvé. Man tazawit, qui est marié ? Hein ? Monsieur Njai. Toi. Au paradis, il y a des choses qui ne vont jamais s'arrêter. Comme quoi ? Par exemple ? Tu vois pas ? Pareil. Toi, t'es trop petit pour répondre. T'as quel âge ? T'as quel âge ? T'as 10 ans et demi ? Bon, c'est juste, mais réponds quand même. Allahu Akbar. Frère, il a dit des bonbons. Pareil. Si c'est au paradis, celui qui rentre au paradis, il aura droit à quoi ? Hein ? Les femmes. Hey ! Les femmes. Les femmes du paradis rentrent dans les catégories de, des créatures qui ont été créées, qui ont un début, ça, mais qui n'ont pas de fin. Mais qui n'ont pas de fin. Et nos épouses aussi, Fidounia, entrent dans cela. Elles sont meilleures que les femmes du paradis pour pas qu'on ait des problèmes à la sortie de la mosquée. Oui. Il y a un hadith. Pas pour sauver ma peau, il y a un hadith sahih. Hein? Femme de Dounia, elle sera meilleure que la femme qui est Fidjanna. Oui. Mada, donc Adam a atteint un âge très avancé. Il y a allé environ 930 ans. Environ 930 ans. Ensuite, Mada est tombé malade et il décéda. Et ce sont les anges qui l'ont lavé, qui l'ont. Mada, comment est-ce qu'on dit ? Kafano, en français ? Salim, traducteur. Allah alam. Oui, ça prouve que le kamel, qu'il est l'ilmillah. Enseveli, ou bien comment on dit en français ? Ali l'ont mis dans le drap. Voyez ? Déjà que je ne suis pas fort en français, en plus avec les jeunes, khair inshallah. Ça montre notre faiblesse devant la science d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, ils ont prié sur lui. Voyez. Pour conclure, Yawm al-Qiyamah, une chose qui rentre la crainte dans le cœur de celui qui croit en Allah et au jour dernier. Un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Yawm al-Qiyamah va s'adresser au Père de l'humanité. À Adam alayhi salam. Et va lui dire, Ya Adam, ô Adam, fais sortir la part de ta descendance qui rentrera dans le feu de l'enfer. La ilaha illallah. Et on sera tous là. Imagine cette situation, subhanallah. Akhrij ba'athanna. Vous imaginez cette situation. Le Père de l'humanité qui reçoit la responsabilité, parce que le Père, c'est lui le responsable. Et toi, tu es responsable de tes enfants et de tes épouses. On va lui dire, fais sortir la part de ta descendance qui est vouée à rentrer dans le feu de l'enfer. Et toi, tu es là. Et tu sais que tu fais partie de cette descendance. Et tu ne sais pas si on va venir te désigner ou pas. Hada khawfun shadid wa mawqifun rahib jiddan. Alors Adam alayhi salam va se soumettre à l'ordre de son Seigneur en disant, quelle proportion, ô mon Seigneur, Quand on va l'appeler, déjà il va dire l'abeille, Kayar, wa sa'dak, wa al-khayr yadak. Je réponds à ton appel et j'accours. Et tout le bien est auprès de toi, ô mon Seigneur. Quelle proportion je dois prendre pour remettre, pour qu'ils aillent en enfer? Écoutez la réponse, qui fait encore plus peur que la phrase précédente. Wallahu a'lam. Sur 1000 personnes, 997 personnes. Imagine. Sur chaque groupe de 1000 personnes, fait sortir 999 personnes pour les faire entrer dans le feu de l'enfer. Quand les compagnons ont entendu ça, ils ne sont pas restés comme eux. Ils ont dit, Ya Rasulallah, mais qui sera cette personne qui sera sauvée parmi nous? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence son habitude. Avec la crainte, il a ramené quoi? L'espérance. Il leur a dit, Abshiru, réjouissez-vous. Ya'juj wa ma'juj, le peuple de Gog et Magog, représenteront la plupart de ceux-là. Car ils sont un nombre, yani, inestimable. Seul Allah Azza wa Jal connaît leur nom. Comme on avait expliqué dans les Mazas, l'histoire de la fin du monde. Hein, qu'on ne pourra même pas les enterrer, tellement ils seront nombreux, on va envoyer des oiseaux. Voyez. Ensuite, le prophète sallam a dit, j'espère que vous, ma communauté, allez représenter Rub'ul Jannah. Alors les compagnons ont dit, Allahu Akbar. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère que vous serez Thuluthul Jannah, un tiers du paradis. Alors les compagnons ont dit, Allahu Akbar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère que vous serez la moitié des habitants du paradis. Alors les compagnons ont dit, Allahu Akbar. Donc, on est la communauté la plus nombreuse au paradis. La dernière, Fidounia, est la première à entrer Fidjallah et la plus nombreuse. La plus nombreuse avant la communauté de Bani Israël, le peuple de Moussa alayhi salam, alors qu'ils sont restés des siècles et des siècles et des siècles et qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de prophètes. Wa hadha fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dhul fadl al-'azim, wa bi hadha qad intahina lima tayassara min qissati Adam abina alayhi salam. Na'am. ترجع إلى الدرس إن شاء الله. طيب في علامة الساعة فصلنا كل ذلك. هم من بني آدم. Ce sont des يأجوج ومأجوج font partie de la descendance de Adam عليه السلام. D'accord؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. Ce sont deux peuples. Ça c'est leur nom. طيب. Et leur nom a un sens. من أجل النار. طيب. Ce nom-là, il y a un sens. Voyez. Donc de l'histoire de Adam, on a pris beaucoup de leçons. Et rappelez-vous ce que nous avons dit au début du cours, on ne lit pas comme on lira un autre livre, mais on lit afin de tirer profit de ces leçons. Parmi ces leçons, on les a citées, mais on se le rappelle brièvement en quelques secondes, que le premier homme c'est Adam alayhi salam, c'est le père de l'humanité. Qu'Allah Azza wa Jalla l'a élevé et honoré par plusieurs caractéristiques, notamment quatre. Parmi les fawa'id, le fait que Hawa soit la mère de l'humanité, qu'elle a été créée de l'homme, et que de cette histoire on tire la bonne entente entre l'homme et son épouse, et le fait que l'homme doit se montrer indulgent envers son épouse et savoir qu'elle est différente de lui, qu'elle ne pourra pas être avec lui à la perfection, tout comme lui ne pourra pas atteindre cela. On tire de cette histoire l'inimité de Shaytan à l'égard de Adam alayhi salam et de sa descendance. Car il voit qu'il était meilleur que Adam et que la cause de sa sortie du paradis, c'est Adam. On voit aussi qu'on doit connaître notre ennemi afin de nous en préserver. On a tiré de cela que parmi les attaques de Shaytan, il y a le fait d'enjoliver les choses au fils de Adam. Donc la personne doit savoir qui est son ennemi et comment s'en préserver. Et bien là, ça fera l'objet d'une khutbah, inshallah ta'ala. De cette histoire, on tire également que celui qui fait une faute, il doit revenir rapidement auprès d'Allah Azza wa Jalla, et celui qui se repent, Allah accepte son repentir. On tire également la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il ne châtie pas directement son serviteur, mais il le laisse pour voir s'il revient. Allah Azza wa Jal bi kulli shay'in 'alim. Maza, on tire de cela les effets de la désobéissance. Regardez, Adam alayhi salam était fil jannah. Hein, et il a fini sur terre, malgré qu'il a effectué un repentir. Et cela est un signe pour nous, pour nous dire, si Adam a.s., votre père, celui que j'ai créé de ma main, celui devant qui j'ai prosterné les anges, celui que j'ai comblé par de nombreuses particularités, pour une désobéissance, j'ai décrété qu'il soit sur terre, que dire alors de nous? Que dire alors de nous? Donc de cela, il y a une grande faïda, comme a dit Ibn al-Qayyim dans le Fawaid, ou bien l'Arab al-Kafi, le fait de ne pas se sentir à l'abri et de dire que ça n'est qu'un péché. N'as-tu pas vu qu'Allah Azza wa Jalla a fait sortir Adam pour une seule faute? Une faute? Regardez la finalité de cette chose. Que dire alors nous de nos péchés? Qui peut dénombrer ces péchés? Une faute? Regardez la conclusion. Taïd, n'avez-vous pas vu qu'Allah Azza wa Jalla a fait rentrer en enfer une femme à cause d'un chat qu'elle a gardé, emprisonné, mais elle ne l'a laissé sortir pour elle ne l'a laissé sortir pour manger de la terre, yani des choses de la terre, ni elle l'a nourri. Pour cela, Allah l'a mis en enfer. Yani une faute. Ne n'avez-vous pas vu que Iblis était au rang des anges, et il était élevé, et pour une faute, il a refusé de se prosterner, il est rentré dans la malédiction d'Allah Azza wa Jal, il est rentré dans l'éloignement d'Allah Azza wa Jal, et il va rentrer en enfer. Une faute. Subhanallah. Donc ça met la crainte dans le cœur du fils d'Adam. Voyez, dans le cœur du fils d'Adam. Voyez. Parmi les grandes fawaïd qu'on tire de cela, c'est la cause qui a poussé, la gravité des choses qui ont poussé Ash-Shaytan à se comporter ainsi. Un grand problème communautaire, ce qu'on appelle le racisme. Ash-Shaytan, c'est l'ancêtre des racistes. Toute personne qui est raciste, qu'il sache que son salaf, c'est Ash-Shaytan. Voyez. Qu'a-t-il prétexté pour refuser ce doux? Ala ana khayrun min. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé de terre. Ta'assaba ila maddah. Il a fait du fanatisme. Et aussi l'ancêtre des muta'assiba min al-mubtadi'a, c'est Shaytan. Hein? Ceux qui suivent aveuglément et qui sont, yani, qui sont tombés dans le fanatisme de leur mazah, de leur shir, et ainsi de suite. Et lorsqu'on leur montre la sunna, ils disent oui, mais shir a dit ça. Ou bien ils s'accrochent à des gens en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une ressemblance avec Shaytan. Shaytan a dit, je suis meilleur que lui car tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. Premièrement, ta'assib. Il a le madda. Et deuxièmement, qiyas fasid. Voyez, on tire également de cela la gravité de l'orgueil. Car il s'est enorgueilli devant Adam. Il a vu qu'il était mieux que Adam et que Adam ne méritait pas tout cela. Et on a vu que l'orgueil et maza le jaloux. Voyez, al-hasid perd tout. Regardez, Shaytan, il a tout perdu du Iblis. Voyez, nombreux sont les fawaïds. On va s'arrêter ici pour que ça ne soit pas trop long sur vous. Voyez. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس الذي فيه نتذاكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة الإيمان ومن نعمة بعثة المرسلين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Il y a une personne qui demande la référence du livre que nous étudions. Ça n'est pas basé sur dans ce livre. Comme vous devez tous le savoir, dans Sira, on prend de plusieurs endroits. Parmi ceux-là, Al-Bidaya wal-Nihaya, qui est un des livres les plus connus, et Tafasir, barakallahu fikum, et un livre d'Ibn Sa'di, rahimahullahu ta'ala, sur cela. Jazakumullahu khayran.